بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wa Al-Kitab Al-Aziz. Nous commençons aujourd'hui le livre de l'héritage, Kitab Al-Fara'id. تعريفها قال المؤلف تعريفها الفرائض جمع فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير. يقول الله تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم، والفرض في الشرع هو النصيب المقدر للوارث. Donc l'héritage, l'auteur définit le mot héritage, الفرائض en arabe, qui est le pluriel de farida, qui est le pluriel de farida, et qui est pris du mot al-fard, qui signifie le fait de fixer quelque chose, le fait de fixer quelque chose et d'estimer quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son al-Baqarah, فَنِصْفُمَا فَرَضْتُمْ, la moitié de ce que vous avez fixé. Dans quel contexte Allah subhanahu wa ta'ala dit cela? A dit ce verset. Pour ceux qui divorcent de leur femme avant d'avoir consommé le mariage. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَنِصْفُمَا فَرَضْتُمْ, donnez-leur la moitié de la dot que vous aviez fixée. إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ, sauf si la femme ne veut pas de la moitié, ou si l'homme veut laisser la totalité de la dot à sa femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, et de laisser la totalité de la dot est plus proche de la piété. Et l'héritage al-fardu en islam signifie c'est de donner la part fixée à chacun des héritiers. C'est ça l'héritage, c'est de donner à chacun des héritiers la part qui lui a été fixée par Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahdhiru min at-ta'addi fi al-mawarith. La mise en garde contre ceux qui veulent dépasser les limites et outrepasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala en termes d'héritage. Et avant de parler de ce sujet, pour ceux qui veulent apprendre l'héritage et pour que cela soit facile pour eux, les règles de l'héritage tournent autour de trois versets dans Surat al-Nisa et tournent autour d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Al-Hiqu al-Fara'id bi-ahliha fama baqiya fali-awla rajulin dhakar. Quant aux trois versets de Surat al-Nisa, c'est les paroles d'Allah Azza wa Jalla, يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, jusqu'à la fin du verset وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Ensuite le verset qui suit وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ, jusqu'à la fin du verset. Et le dernier verset de Surat al-Nisa, où Allah Azza wa Jalla dit وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. Ce sont les trois versets qui englobent et qui réunissent les règles de l'héritage et également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-fiqul bi ahliha, donner à chacun ce qu'il mérite ou la part qui lui est destinée. فَمَا بَقِيَا فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. Et ce qu'il reste, ça veut dire, après le partage, et après avoir donné à chacun ce qu'il mérite, et qu'il reste une partie de ce qu'a laissé le défunt, alors cette part reviendra à l'homme le plus proche. À l'homme le plus proche du mort, du défunt. Ensuite, il y a des choses en plus, mais la base de la science de l'héritage tourne autour de ces trois versets et du hadith, de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce que j'ai dit, donner à chacun, al-haqqul fara'id, donner à chacun sa part d'héritage. Et ce qu'il reste reviendra à l'homme le plus proche. À l'homme le plus proche du défunt. Donc l'auteur dit la mise en garde contre le fait d'outrepasser les limites dans l'héritage. لقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار فلما جاء الإسلام أعطى الله كل ذي حق حقه وسمى هذه الحقوق وصية من الله فريضة من الله ثم عقب على ذلك بالتحذير الشديد والوعيد الأكيد لمن يخالف شرع الله في المواريث فقال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Donc les Arabes, avant l'arrivée de l'islam, donnaient les parts d'héritage aux hommes et en privaient les femmes, de même qu'ils donnaient l'héritage aux grands et en privaient les petits. Et lorsque l'islam est arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun ce qu'il mérite. Et il a appelé ses droits, Allah azza wa jalla a appelé ses droits dans le Coran, wasiyatan min Allah, une recommandation d'Allah, faridatan min Allah, une obligation de la part d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a terminé les versets de l'héritage dans Surat al-Nisa, dans le verset 11 ou dans le verset 13 et 14, Allah Azza wa Jal a dit tilka hududullah, ce sont ou voici les limites d'Allah. Celui qui obéit à Allah et à son envoyé, il le fera entrer dans des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux, ils y resteront éternellement, et voilà la grande réussite. Et quant à celui qui désobéit à Allah et à son envoyé et dépasse ses limites et outrepasse ses limites, il le fera entrer alors dans l'enfer dans lequel il y restera éternellement et il goûtera, c'est-à-dire en enfer, un châtiment douloureux. Donc Allah Azza wa Jal, après avoir cité les règles de l'héritage et les parts de chacun, a dit « Prenez garde, ceux qui veulent outrepasser les règles précédemment décrites, ceux qui veulent donner aux hommes plus que ce qu'ils méritent, ou ceux qui veulent priver des femmes, ou ceux qui veulent favoriser une personne par rapport à une autre, parce que cette personne est plus aimée chez lui, prenez garde, car Allah Azza wa Jalla a donné à chacun ses droits, et celui qui ose, et celui qui oserait outrepasser ses limites, Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer en enfer dans lequel il y sera châtié de façon douloureuse, والعياذ بالله. ثم يقول المؤلف ما يورث من مال المتوفى. Qu'est-ce que lorsqu'un défunt laisse un patrimoine qui comporte des biens, que ce soit de l'argent ou tout autre bien immobilier ou autre, de cet argent qu'il laisse, la part de cet argent qui sera destinée à l'héritage. Est-ce que tout ce que laisse le défunt doit être partagé entre les héritiers, ou bien une partie seulement de ce patrimoine doit être partagée et le reste non? L'auteur dit: إذا مات الإنسان بدأ من تركته بمؤونة تجهيزه ودفنه ثم بقضاء دينه ثم بوصيته فإن بقي شيء قسم على ورثته لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين ولقول علي رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. Donc l'auteur dit, lorsqu'une personne décède et qu'il laisse des biens, comme je l'ai dit, les biens peuvent être de quelque nature que ce soit, on doit commencer, on doit utiliser ce bien tout d'abord pour payer tout ce qui est nécessaire à ses funérailles et à son enterrement. Donc la première chose à faire, c'est de prendre de l'argent et des biens qu'a laissé ce défunt pour acheter le kafan, le linceul, éventuellement pour payer celui qui va le laver s'il demande à être payé, et pour payer les frais d'enterrement. Les frais d'enterrement du défunt doivent être pris de son argent à lui. ثُمَّ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ. Ensuite, lorsque le défunt est enterré et que tous les frais de son enterrement ont été pris de l'argent qu'il a laissé, ensuite, comme cela, l'on procède au remboursement de ses dettes. Si ce défunt a des dettes, on doit rembourser ses dettes de l'argent qu'il a laissé. ثُمَّ بِوَصِيَّتِهِ. Ensuite, on doit appliquer son testament, si testament il a laissé. On doit appliquer le testament, si testament il a laissé. On a vu cela dans le chapitre de l'Ouassaïa du testament, qu'il était autorisé de faire le testament de ses biens à limite de un tiers. Et le tiers est beaucoup. Le tiers, c'est déjà beaucoup. Donc si ce défunt a écrit dans son testament que je dédie un tiers de ma fortune à un tel, à telle et telle personne, on avait dit que le testament ne devait pas profiter en faveur des héritiers. Le professeur Sam a dit la wasiyata liwarith, point de testament pour l'héritier. Donc si cette personne n'est pas héritière et que c'est une personne étrangère ou qui ne fait pas partie des héritiers de ce défunt, alors on doit appliquer le testament et donner le tiers de la fortune à cette personne. Ensuite, ce qu'il reste et ce qui devra être divisé et dispatché entre les différents héritiers. C'est clair ou pas? Donc, les biens du défunt qui sont concernés par l'héritage sont les biens déduits des frais de son enterrement, déduits du remboursement de ses dettes et déduits de l'application de son testament, si testament il y a. Et ce n'est que ce qu'il reste de tout cela qui doit être partagé entre les héritiers. Et le testament, tu peux faire à n'importe qui? Non. Le testament, tu peux faire à l'aléatoire? Tu peux le faire à n'importe qui tant que ce n'est pas un héritier. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal: min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn. Après un testament qu'il aura testé ou une dette. C'est-à-dire que le partage de l'héritage ne se fera qu'après que le testament ait été appliqué et que la dette ait été remboursée. Ici, Allah Azza wa Jalla a commencé par quoi dans le verset? Par testament. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit juste avant ? Qu'il fallait commencer par les frais de l'enterrement, ensuite par les dettes, et ensuite par le testament. Donc le testament vient en troisième lieu. Or, Allah Azza wa Jalla dit « Min ba'di wasiyyatin yusa biha aw dayn » Et Allah Azza wa Jalla dit « Après un testament testé ou une dette. » Donc Allah Azza wa Jalla a commencé par le testament et non pas par la dette. Qui a raison ? Pourquoi n'avons-nous pas appliqué le verset ? Et pourquoi avons-nous précédé la dette au testament ? Qui connaît la réponse ? La réponse, c'est que le professeur a dit « Lam qadra bi dayni qabla al-wasiyya » Le hadith de Ali, que l'auteur cite juste après. Et Ali a dit « Le professeur a jugé de la dette avant le testament. » C'est-à-dire, le professeur a jugé que la dette devait être remboursée avant l'application du testament. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a-t-il alors commencé par le testament avant la dette ? Les savants disent parce que le testament peut être négligé. Peut être négligé par les héritiers. Pourquoi ? Car une dette, une personne qui a une dette envers une autre, est-ce qu'elle sait que telle personne qui est décédée lui doit de l'argent ? Oui ou non ? Elle le sait. Donc un jour ou l'autre, si cette personne veut récupérer son argent, elle ira se manifester auprès des héritiers pour dire « un tel ou ton père ou etc. le défunt me devait telle et telle somme ». Mais le testament, comme on l'avait dit, il doit être écrit, il doit être préservé par le défunt dans un lieu sûr. Qui prendra connaissance de ce testament ? Les héritiers. Si le défunt lègue ou a légué un tiers de sa fortune à telle et telle personne, est-ce que cette personne est forcément au courant ou pas ? Non. Et les héritiers peuvent-ils cacher ce testament et le détruire ? Oui. Et cette personne à qui ce bien était destiné viendra-t-elle un jour se plaindre pour dire un tel m'avait légué telle ou telle chose ? Non, puisque le testament était détruit. Donc c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a commencé par le testament. Car c'est ce qui est le plus, entre guillemets, le plus facilement. C'est ce qui peut être caché le plus facilement, sans que celui à qui on doit, ou à qui les biens ont été légués, ne s'en rende compte et ne sache quoi que ce soit. Donc Allah Azza wa Jal, ici, met en garde les héritiers pour dire attention, prenez garde à ne pas dissimuler le testament. Et si le défunt a laissé un testament, montrez-le au grand jour et donnez à chacun sa part. D'accord ? Et les savants disent que pour se rappeler de la priorité des biens qui doivent être puisés de ce que laisse le défunt, est réuni dans le mot tadoumou. Tadoumou. Tadoumou. Il y a la lettre ta, il y a la lettre del, la lettre waw et la lettre mim. Ta comme tajhiz, c'est-à-dire les funérailles. Del comme dain, c'est-à-dire dette. Waw comme wasiyya et mim comme miraf. Mim comme miraf qui signifie l'héritage. L'héritage est appelé fara'id, mais c'est aussi appelé mawarith. Ce sont deux mots synonymes. Al-fara'id et al-mawarith sont deux noms synonymes qui signifient l'héritage. Quelles sont les causes de l'héritage ? C'est-à-dire, quelles sont les causes qui vont faire en sorte que telle personne est héritier ? وأسباب الإرث ثلاثة. Les causes de l'héritage sont au nombre de trois. أولا النسب لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. Premièrement, les liens de parenté. Les liens de parenté, la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal et ceux et les personnes faisant partie de la famille, c'est-à-dire qui ont des liens de parenté, sont héritiers. بعضهم أولى ببعض. Certains méritent plus que d'autres. C'est-à-dire, plus tu es proche du défunt et plus tu mérites, l'héritage. Et les savants disent que an-nasab, c'est-à-dire les liens de parenté, se divisent en trois catégories. Il y a al-usul, il y a al-furu' et il y a al-hawashi. Al-usul, ce sont les bases, les racines. Autrement dit, c'est le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-arrière-grand-père, et ceci en montant. Ça c'est al-usul, c'est-à-dire les racines. Ensuite il y a al-furu'. Al-furu' c'est le fils du fils, ou les enfants du fils, etc., etc., en descendant. Ensuite il y a al-hawashi. Al-hawashi qui eux sont les frères. Que les savants, lorsqu'ils parlent de hawashi, les mettent à droite et à gauche du défunt. C'est-à-dire, ils font un cercle pour définir le défunt. En haut, ils mettent al-ursul, c'est-à-dire les pères, les grands-pères, etc. En dessous, le fils et les petits-fils et petites-filles. Et il y a al-hawashi à droite et à gauche qui sont les frères, les sœurs, les oncles, et les fils, les oncles paternels, et les cousins, c'est-à-dire les fils des oncles paternels. D'accord ? L'oncle maternel n'en fait pas partie. L'oncle maternel n'en fait pas partie. C'est l'oncle paternel, al-ammu wa awlad al-am. Et quant aux frères et sœurs, ce sont les frères et sœurs, les frères germains, consanguins ou utérins. Les frères consanguins, les frères germains, ce sont les frères du même père et de la même mère. Le frère consanguin ou la sœur consanguine, ce sont les frères et sœurs qui ont le même père et qui n'ont pas la même mère. Et il y a les frères et sœurs utérins, c'est-à-dire qui ont la même mère mais qui n'ont pas le même père. Tout ceci font partie des al-hawashi, de ce qu'on appelle al-hawashi. Deuxièmement, ثانياً al-wala. للحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب. Deuxièmement, la deuxième cause de l'héritage, c'est ce que les savants appellent al-wala. Et al-wala, qu'est-ce que al-wala? Al-wala concerne un maître qui a un esclave et qui affranchit cet esclave. Si cet esclave meurt et qu'il ne laisse pas d'héritier, qui héritera de lui? Qui héritera de lui? Non? Il n'a pas d'héritier. Qui héritera de lui? Son ancien maître. Parce que ce n'est plus son maître vu qu'il l'a affranchi. C'est son ancien maître. Pourquoi? Pour récompenser. C'est une récompense de ce maître dans cette vie d'ici-bas avant celle de l'au-delà. Car l'islam encourage fortement d'affranchir les esclaves. Et Allah Azza wa Jal promet une récompense dans la vie d'ici-bas, dans la vie de l'au-delà, mais il y a aussi des récompenses dans cette vie d'ici-bas. D'accord ? Et la preuve est le hadith du prophète sallam, al-wala'u luhmatun ka luhmatin nasab. Al-wala', c'est-à-dire le fait d'avoir affranchi son esclave, est un lien similaire au lien de parenté. C'est un lien similaire au lien de parenté. Salisan al-nikah. Troisièmement, c'est le lien conjugal. لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. Et la preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Sourate An-Nisa. Et vous avez la moitié de ce qu'aura laissé votre femme. Donc ici, Allah Azza wa Jalla a donné, on verra sous quelles conditions, à l'homme la moitié de ce qu'aura laissé son épouse défunte. Si sa femme décède et qu'elle ne laisse pas d'enfant de cet homme ou d'enfant d'un autre homme, alors le mari aura le droit à la moitié de ce qu'aura laissé cette défunte. Donc ici, Allah Azza wa Jalla a donné une part d'héritage au mari qui est lié par sa femme, par une liaison conjugale, par un mariage. Et les savants disent que le mariage doit être valide. Pour qu'une femme hérite d'un homme, de son mari, ou pour qu'un mari hérite de sa femme, il faut que le mariage qu'ils aient conclu soit un mariage valide. C'est-à-dire que toutes les conditions de validité du mariage soient réunies. Et ceci, c'est-à-dire, le mari hérite de sa femme à partir du moment où le contrat de mariage a été contracté. Est-ce que le mariage doit être consommé pour que le mari hérite de sa femme? Ou est-ce qu'il peut hériter même sans avoir consommé? Non. Il peut hériter sans avoir consommé. Car Allah Azza wa Jalla n'a pas donné le détail, n'a pas précisé. Il a dit وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. Vous avez la moitié de ce qu'aura laissé votre femme défunte. Votre femme, à partir du moment où tu as conclu, où le contrat de mariage a été contracté, c'est ton épouse. Également, lorsqu'un mari divorce de sa femme et que sa femme meurt pendant la période de viduité, qui est de 3 cycles de menstrues, salatatu quru. Est-ce que le mari ici héritera de sa femme, ou est-ce que le fait qu'ils étaient en instance de divorce fait en sorte que le mari ne pourra pas hériter de sa femme? Il peut toujours hériter. Pourquoi? Car c'est toujours sa femme. Car c'est toujours sa femme. Et la preuve que c'est toujours sa femme, c'est qu'il peut la récupérer quand il veut pendant cette période, et que la femme doit observer sa période de viduité dans la maison de son mari. Dans la maison de son mari. Donc ce sont les 3 causes d'héritage qui font l'unanimité des savants. Il y en a d'autres, mais les autres sont des causes qui font la divergence des savants. ثم يقول المؤلف موانع الإرث, ce qui empêche et ce qui interdit l'héritage. أولا القتل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القاتل لا يرث. حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وهو في الإرواء. Premièrement, l'assassinat. Selon Abu Hurayra رضي الله عنه, D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « L'assassin n'hérite pas. » L'assassin n'hérite pas. C'est-à-dire celui qui a tué qui ? Celui qui a tué une personne de laquelle il pouvait hériter. Celui qui l'a tué n'héritera pas de cette personne. L'exemple type et le pire des exemples, c'est celui qui tue son père. Celui qui tue son père, wal'ayadu billah, est-ce qu'il héritera de son père ? Non. Il n'héritera pas de son père. Et quant à celui qui a tué par erreur, est-ce qu'il héritera de la personne qu'il a tuée ou non ? S'il fait partie de ses héritiers, bien sûr. Il y a khilaf des savants. Certains savants disent non, il n'hérite pas pour fermer la porte à tout doute. Et pour que ce sujet soit clair et que celui qui tue, de façon volontaire ou par erreur, n'héritera pas. Et ce, yani pour fermer les portes à toute idée ou à toute intention mal placée. Et d'autres savants ont dit que si l'erreur est avérée, c'est-à-dire s'il y a des preuves qui sont claires et qui ne laissent pas de doute, qui prouvent que cette personne a réellement tué l'autre par erreur et que c'était réellement inintentionnel, alors il hérite de cette personne. Et c'est l'avis qu'a choisi le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Saniyan ikhtilaf ad-din. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث متفق عليه. La deuxième chose qui interdit l'héritage, c'est la divergence de religion. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, selon أسامة بن زيد رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: le musulman n'hérite pas du non-musulman et le non-musulman n'hérite pas du musulman. Le musulman n'hérite pas du non-musulman. C'est-à-dire, qu'une personne qui s'est convertie à l'islam, dont les parents sont non-musulmans, et que son père décède, par exemple. Est-ce que cet enfant qui s'est converti à l'islam héritera de son père ? Non. Car le musulman n'hérite pas du non-musulman. Et ce père non-musulman, qui a un fils qui s'est converti à l'islam, ce fils décède. Est-ce que le père héritera de son fils ? Non. Car un non-musulman n'hérite pas d'un musulman. Est-ce que le père a le droit de léguer à son fils musulman ? Est-ce que le père non-musulman a le droit de léguer à son fils non-musulman, à son fils musulman ? Un père non-musulman a-t-il le droit de léguer une partie de ses biens à son fils musulman ? Oui, car là c'est un testament, ce n'est pas un héritage. طيب ثالثا الرق لأن العبد وما ملك ملك لسيده فلو ورث قريبه لكان التوريث لسيده دونه. Et la troisième chose qui interdit l'héritage, c'est le fait d'être esclave. Car l'esclave et ce qu'il possède appartient à son maître. Et si l'esclave devait hériter d'un bien d'un proche, d'un de ses proches décédés, ce bien reviendrait à qui ? À son maître et non à l'esclave. Donc ce sont les trois choses qui interdisent l'héritage. ثم قال المؤلف الوارثون من الرجال. Puis l'auteur dit les héritiers parmi les hommes, c'est-à-dire parmi les hommes qui sont ceux qui peuvent être héritiers. والوارثون من الرجال عشرة أولا وثانيا الابن وابنه وإن نزل لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Premièrement et deuxièmement, le fils et son fils, c'est-à-dire le fils du fils. Et ceci en descendant, c'est-à-dire le petit-fils, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petit-fils, etc., etc. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, يوصيكم الله في أولادكم. Allah vous ordonne dans vos enfants, aux garçons, le double de la part مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ, aux garçons, la part de deux filles. Aux garçons, la part de deux filles. Donc Allah Azza wa Jal ici dit que les enfants sont héritiers. Que les enfants sont héritiers. Et ici, les enfants, ça englobe les enfants, mais aussi les petits-enfants, mais aussi tous ceux qui pourraient suivre. ثالثا ورابعا الأب وأبوه وإن علا لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس والجد أب ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن عبد المطلب. Troisièmement et quatrièmement, le père et son père et ceci tout en montant, c'est-à-dire le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, etc. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate An-Nisa. Et pour ses pères, c'est-à-dire le père et la mère, wa li abawayhi, ici signifie le père et la mère. Wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus. Et pour les pères et les mères, à chacun d'eux, le sixième. Et le père, qui est englobé dans les pères, les deux pères dans ce verset, le père signifie le père du père, c'est-à-dire le grand-père, tout en montant. Et la preuve que le grand-père est considéré comme un père, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a dit pendant Ghazwat Hunayn, pendant la bataille de Hunayn, lorsque le professeur Asselin s'est apprêté à combattre les polythéistes, il disait Asselin, Ana al-Nabiyu al-Kadhib, Ana ibn Abd al-Muttalib. Je suis le prophète et ce n'est pas un mensonge, et je suis le fils de Abd al-Muttalib. Or, Abd al-Muttalib c'était qui? Son grand-père. Et le professeur Asselin m'a dit, je suis le fils de Abd al-Muttalib. Il a donc considéré Abd al-Muttalib comme étant son père, donc a considéré son grand-père comme étant son père. Donc le grand-père est un père. خامسا وسادسا الأخ وابنه وإن تراخا لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. Cinquièmement et sixièmement, le frère et son fils, tout en descendant. Le frère et son fils, tout en descendant, la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal. « وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدْ » La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal. « Et lui héritera d'elle si elle n'a pas d'enfant. » Lui héritera d'elle, c'est-à-dire que lui héritera de sa sœur. Lui héritera de sa sœur. Si c'est sa sœur, c'est que lui c'est le frère. سابعا وثامنا العم وابنه وإن تباعد، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. Septièmement et huitièmement, c'est l'oncle et son fils. Même s'ils sont éloignés. La preuve est la parole du professeur Asselin. Donner les parts d'héritage à chacun, à chaque personne qui le mérite, et ce qu'il reste, alors donnez-le à l'homme le plus proche. À l'homme le plus proche. Si une personne décède et laisse derrière lui sa femme et le fils de son oncle paternel, son cousin paternel, combien est-ce qu'aura son épouse ? Elle aura le quart. Car Allah Azza wa Jalla dit وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ. Et elles ont, c'est-à-dire les épouses, le quart de ce que vous aurez laissé si vous n'avez pas d'enfant. Or cet homme qui est décédé, on a dit qu'il n'a laissé qu'une femme et un cousin paternel. Donc la femme aura, son épouse aura le quart et le reste reviendra à l'homme le plus proche du défunt. Et ici, l'homme le plus proche qu'il aura laissé sera son cousin paternel. Donc le cousin paternel prendra les trois quarts. تسعا الزوج لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. Neuvièmement, c'est-à-dire la neuvième personne parmi les hommes qui hérite, c'est le mari. Car Allah Azza wa Jalla a dit et vous avez la moitié de ce qu'aura laissé votre épouse. Et dixièmement, al-mawla al-mu'tiq, liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, al-wala. Et dixièmement, c'est le maître affranchisseur. C'est le maître qui a affranchi son esclave, fait partie des hommes qui héritent. Des hommes qui héritent. طيب. الوارثات الوارثات من النساء. Les femmes héritières. والوارثات من النساء سبعون. Les héritières parmi les femmes sont au nombre de sept. أولا وثانيا البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. Premièrement et deuxièmement, la fille et la fille du fils. La fille et la fille du fils. La fille, c'est clair. La fille du fils, c'est la petite fille, mais pas n'importe quelle petite fille. C'est la fille de ton fils. Et non pas la fille de ta fille. Car la fille de ta fille ne fait pas partie des héritières. La fille de ta fille ne fait pas partie des héritières. Troisièmement et quatrièmement, al-umm wal-jadda, la mère et la grand-mère. La mère et la grand-mère. لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس. La mère et la grand-mère, la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, et pour ses deux parents, et pour ses deux pères, c'est-à-dire pour ses parents, c'est-à-dire son père et sa mère, à chacun le sixième. Est-ce que l'arrière-grand-mère fait partie des héritières ? Non. Est-ce que l'auteur ici a dit la mère et la grand-mère et en montant? Non. Il n'a parlé que de la mère et de la grand-mère. L'arrière-grand-mère ne fait pas partie des héritières. Khamisan al-Urt. Cinquièmement, la sœur. لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. Si un homme meurt et qu'il n'a pas d'enfant mais qu'il a une sœur, فلها نصف ما ترك, alors elle aura la moitié de ce qu'il aura laissé. Si un homme meurt et qu'il n'a pas d'enfant mais qu'il a une sœur, alors cette sœur aura la moitié de ce qu'il aura laissé. Donc la sœur fait partie des héritières. Sadisan al-Zawja. Sixièmement, al-Zawja. Là, l'épouse. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Et elles auront le quart de ce que vous avez laissé. Qui? C'est-à-dire vos femmes. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Elles auront le quart de ce que vous aurez laissé, elles, c'est-à-dire vos épouses. سَبِعًا الْمَوْلَاهُ الْمُعْتِقَهُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم الْوَلَاهُ لِمَنْ أَعْتَقُ. Et septièmement, la maîtresse, c'est-à-dire celle qui avait en sa possession un esclave qu'elle a affranchi. Si son esclave décède et qu'il n'a pas d'héritier, alors elle héritera de ses biens. Car le professeur Hassan a dit « Al-wala ou liman a'taq ». Al-wala, c'est-à-dire ce qui rend légitime l'héritage après avoir affranchi, appartient, c'est un droit qui appartient à celui qui a affranchi. On comprend de cela que si un esclave, si le maître d'un esclave décède, est-ce que cet esclave héritera de lui? Pourquoi? Non. Non, soit c'est la raison. Alors on a dit qu'il avait l'esclave, il n'avait pas de bien. Même là, son maître, il est décédé. Non, parce que le prophète sallam a dit Al-wala ou liman a'taq. Al-wala, c'est-à-dire le fait de pouvoir hériter par un affranchissement, appartient à qui? À celui qui a affranchi.